Radiomatic. Thank you. La transmission 298 d'Audiomatique s'ouvrait avec une remontée dans le temps, plus précisément en 1980 avec la pièce Mr. X, composée par la formation Ultravox et apparaissant sur son quatrième album intitulé Vienna. Vous êtes en compagnie des sonoristes pour cette transmission d'Audiomatique qui, nous l'espérons, sera une source de découverte musicale sans aucune limite de style, de genre ou de catégorisation. My friend, you left me in the end. I can't believe I'm writing a song where friend rhymes with end. But today I must cave in. I have trouble forgetting those beautiful lies. As it is, I must fill your space with lies. I knew it all along. I guess I expected this song. And it is as it appeared, like a fist in my stomach and swallowing tears. Your song turned out a sad. À Audiomatique, ce segment musical se terminait avec la chanteuse norvégienne Anne Brune qui nous interprétait la pièce « Where Friend Rhymes With End » de son deuxième album « A Temporary Dive » paru en 2005. Précédemment à Anne Brune, nous avons pu entendre le trio américain Super Humanoids avec la chanson « A Crowded Hour » que l'on peut retrouver sur la face B du 7 pouces pour la chanson « Michaela » qui a été rendue disponible en 2011. Et pour débuter, nous vous avons présenté la chanteuse britannique Rose Eleanor Dougal et sa chanson « The Night » extraite du EP « The Distractions » sorti en 2012. Audiomatique se poursuit sur la musique de B12. Thank you. diversity is one of the prime impulses of the heart. Toujours à Audiomatique, nous terminions cette séquence avec une pièce instrumentale de la formation brésilienne Aghast View, soit Per Version, tirée de l'album Carcinopest paru en 1998. Avant Aghast View, nous entendions Digital Factor et la pièce Illogical Way apparaissant sur l'album On Demand sorti en 1996. Les sonoristes ont toutefois extrait cette pièce de la compilation Body Rapture 7, produite par l'étiquette de disque Zot Amog. Et la séquence s'amorçait avec la formation B12 et sa pièce Transient Pathways tirée de l'album Electro Soma 2. Pour permettre à cette transmission 298 d'Audiomatique de se poursuivre, nous vous présentons à l'instant le défunt groupe Sun Sun Egi. I want to say something about this record I'm going to play right now. I took a week and analyzed 1,000 rock and roll songs. All but about 1% of those songs were written in 4/4 time. The media must be mixed. Visualness. Rock is sex and violence. Rock is revolution. Mother, mother. Pour conclure ce segment musical à Audiomatique, les sonoristes vous offraient à entendre Emmanuel Santaromana et la pièce-titre de son premier album, Métropolitain, lancé en 2003. Tout juste avant, il s'agissait de DJ Food et sa composition Discovery Workshop de son mini-album Magpies, Maps and Moons, que l'on a pu découvrir en 2011. Et en amorce de séquence, le défunt groupe Sun Sunegi nous interprétait la pièce Mr. Brown, extraite de son premier album Katang, paru en 2011. Le groupe a fait paraître un deuxième album, Shackles Gift, en 2015, avant de se séparer. La transmission 298 d'Audiomatique se conclura sur la musique de la formation suédoise Cat Rapes Dog et la pièce One Way No Return, parue originalement sur le single Superluminal en 1991 et également disponible sur l'anthologie More Than You Bargained For. Les sonoristes vous donnent rendez-vous sur les ondes de C'est Fou mercredi prochain dès 17h pour la présentation en direct de la transmission 299 d'Audiomatique. Si la structure d'un horaire fixe est trop contraignante, nous vous proposons de vous rendre sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique afin d'écouter toutes nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Cat Rapes Dog et la pièce One Way No Return. C'était Audiomatique avec les sonoristes.